D'accord, tu veux. Bonjour, je m'appelle Elprez et bienvenue dans ma rubrique Présidence clandestine, où l'on va analyser des organisations politiques illégales. Je suis une femme non binaire de 21 ans et je travaille en informatique. J'ai des intérêts spécifiques pour la politique, le militaire, la géopolitique et les groupes extrémistes. Je ne suis pas universitaire ni experte officielle. Ici, mon objectif n'est pas de militer ou de promouvoir une organisation ou une idéologie, mais de comprendre et de disséquer des organisations politiques illégales. On va parler d'organisations politiques illégales, donc partis interdits, guérillas, groupes qualifiés de terroristes, mouvements indépendantistes armés, etc. Le mot terroriste est surtout une étiquette utilisée par les États et les médias pour disqualifier un acteur et dire eux sont en dehors du jeu légitime. Ici, on va plutôt s'intéresser à leur fonction politique réelle. Est-ce qu'ils défendent une minorité? Est-ce qu'ils résistent à une occupation? Est-ce qu'ils veulent maintenir un ordre raciste ou autoritaire? Est-ce qu'ils cherchent à provoquer l'État pour le faire réagir? C'est important qu'on en parle, car en dehors des slogans et des unes des journaux, on connaît très mal ces groupes et leur logique interne. Les traiter juste de fous ou de monstres ne permet ni de les comprendre, ni de trouver des réponses efficaces. Les regarder comme des acteurs politiques, ça va permettre de comprendre les causes et pas seulement les symptômes, et de voir comment et pourquoi l'État réagit à travers des lois d'exception, la répression ou encore la négociation. On reste tout de même dans un cadre clair. En France, il existe le délit d'apologie du terrorisme. Donc ici, on ne fera pas la promotion d'organisations ou d'actions qualifiées de terroristes par la France ou l'Union européenne. On part aussi d'un principe simple. Illégal ne veut pas dire mauvais et légal ne veut pas dire bon. Ce n'est pas parce qu'un groupe est interdit qu'il a forcément tort, ni parce qu'un État est légal qu'il a forcément juste. L'idée est d'analyser, de critiquer et de contextualiser. On se rappellera à chaque épisode que comprendre, ce n'est pas excuser, et qu'on reste sur le terrain politique, pas dans l'admiration ni dans la glorification. On rappellera aussi les coûts humains, morts, blessés, traumatismes, mais aussi la répression qui frappe les militants comme les civils. On commencera avec une série d'épisodes consacrés à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, et à ses différentes branches au fil du temps. On va découvrir comment un même sigle peut désigner, selon les époques, une armée de libération nationale, une guérilla communautaire, un parti politique, ou encore de petits groupes dissidents ultra-minoritaires. Et c'est bon.